en invoquant Dieu et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais, et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. Liste non exhaustive, bien sûr. Nous avons retenu ici l'exemple de plusieurs pays qui représentent l'Afrique francophone dans toute sa diversité géographique. Pays du Sahel, de la forêt tropicale, sans oublier la Grande Île. 1960, Philippe Saint-Denis, c'est assurément l'année de l'Afrique. Jamais au cours du XXe siècle, on avait vu autant de pays accéder à la souveraineté. Mais cette accession à l'indépendance n'est pas non plus un tir groupé. Il y a eu les indépendances du début de l'année, celle du Cameroun en janvier et du Togo en avril. Il y a eu ensuite les indépendances du mois de juin, celle de Madagascar et de l'ancien Congo belge, qui deviendra par la suite République démocratique du Congo. On a assisté ensuite à la grande vague du mois d'août qui a vu pas moins de 9 pays accéder à l'indépendance. Le Sénégal, le Niger, la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Dahomey qui lui aussi changera de nom pour devenir le Bénin, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Centrafrique et le Tchad. L'année va se terminer avec les indépendances du Mali en septembre et de la Mauritanie en novembre. Il convient maintenant, Elikia Mbokolo, d'effectuer un retour sur trois situations bien particulières, le Cameroun, Madagascar et la Fédération du Mali. Le Cameroun est un cas très singulier, comme le Togo, comme le Rwanda et le Burundi, mais aussi comme le Tanganyika et la Namibie actuelle. C'était une de ces colonies allemandes que, à la suite de la Première Guerre mondiale, la France et l'Angleterre s'étaient partagées. Donc le Cameroun n'est pas une colonie au sens propre, c'est un territoire sous tutelle, administré par la France, mais soumis au contrôle des Nations Unies. Du coup, ça explique que très tôt, les Camerounais vont demander l'émancipation complète du territoire. Et cette radicalisation s'est confirmée en 1948 avec la création de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, par Ruben Umniobé. Et alors que dans les autres colonies françaises de l'Afrique, on a accepté l'Union française, au Cameroun, on lance le mot d'ordre « unification et indépendance immédiate ». Unification, on voulait dire l'unification du Cameroun français et du Cameroun anglais. Il y a eu au cours des années des troubles très graves et même une sorte de guerre civile à partir de 1955, guerre au cours de laquelle Umniobé a été exécuté. Donc l'indépendance du Cameroun en 1960 a un goût très amer.